Pardon, madame. Je cherche la chambre de madame Vaux. Elle a été opérée de la main ce matin par le professeur Grange. Je suis son fils. Madame Vaux, oui, effectivement, elle est en salle de réveil. Elle n'est pas encore remontée, mais ça ne devrait pas tarder. Elle sera dans la chambre 233. Elle va bien ? Elle a bien supporté l'anesthésie ? Ne vous inquiétez pas, l'opération s'est très bien passée. Mais laissez-lui le temps de se réveiller. D'ailleurs, voilà le professeur Grange qui l'a opéré. Il saura vous rassurer. Ah, professeur Grange, excusez-moi, mais je voudrais avoir des nouvelles de ma mère, madame Vaux. Comment va-t-elle ? Elle se réveille doucement, tout va bien. L'opération a parfaitement réussi. Elle a eu beaucoup de chance et je pense qu'elle va récupérer à 95% l'usage de son doigt. Elle va sortir aujourd'hui ? Il serait plus raisonnable de prévoir une sortie demain matin, mais si vous passez la nuit chez elle, je ne vois pas de contre-indication à ce qu'elle sorte ce soir. C'est parfait. Il lui faudra des soins. Moi, je tombe dans les pommes dès que je vois un peu de sang. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez juste à lui préparer un petit repas et à lui tenir compagnie. Pour les soins, voyez avec l'infirmière. Elle vous remettra une ordonnance. Je reverrai votre mère dans une dizaine de jours pour enlever les fils. Il faudra qu'elle fasse de la rééducation ? Ce n'est pas certain. On verra ça lors du prochain rendez-vous.